Oxfam sur Fadjet avec le groupe local Oxfam Nancy. Eh bien bonjour à tous et bonjour à toutes. Ce mois-ci dans Allo Oxfam, j'ai le plaisir d'accueillir Anisha et Camille, et impatient de découvrir ces deux personnes avec un beau projet que le groupe local, 5-6 personnes au groupe local, et à chaque fois on essaye de vérifier, de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus ou de mieux dans cet environnement local avec ce marqueur Oxfam. Il y a la pratique de ce qu'on fait régulièrement, mais il y a aussi donner du sens et avoir une autonomie aussi. Je citerai comme exemple, qui remonte à 4 ou 5 ans, l'accueil de migrants, où on trouvait que c'était une problématique très importante. Et on a, au niveau du groupe local, pu accueillir Elda, qui avait rencontré Oxfam en Italie, et en Albanie plus précisément. Elle avait une mission en Albanie. Dès que le mot Oxfam réveille nos zygomatiques, on se dit que il est urgent, important de voir ce que ces personnes ont à dire du point de vue de l'étranger, du point de vue de en dehors de la France. Et à Nancy, Elda fait partie du groupe local depuis, et le groupe aussi a aidé un projet très bien construit de Elda par rapport aux migrants, par rapport à ces personnes qui viennent du Kosovo et d'Albanie, avec la barrière de la langue, avec des choses très compliquées. Et bien là, Anisha, c'est un peu, pas tout à fait la même histoire, mais tu as eu le plaisir aussi, enfin, tu as rencontré Oxfam au Québec, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Bah, tout d'abord, je voulais déjà remercier Radio Fadjet et Jean-Paul de nous avoir accueillis aujourd'hui. Mais oui, j'ai eu une belle expérience à Oxfam Québec. Bon. Oui, donc en fait, nous, ce qu'on faisait, c'était majoritairement le recrutement des donateurs, des futurs donateurs, et on faisait aussi de la sensibilisation pour les personnes qui connaissaient pas forcément les missions qu'Oxfam avait à l'extérieur du Québec, même du Canada. D'accord. On parlait un peu des missions au Liban, au Congo, donc vraiment un peu partout. Ouais. Mais tu faisais partie de ce qu'on appelle en France des recruteurs de rue, avec des chasubles, Oxfam. Oui, c'est bien ça. C'est ça. Oui, c'était bien ça. J'étais tellement motivée que j'allais dans les moins 30 degrés au Québec pour pouvoir le faire, parce que depuis toute petite, j'avais toujours les ONG, l'association et la solidarité en cœur, et c'était toujours quelque chose que je voulais faire. Bon. Et tu avais un statut de salarié là-bas? Oui, pour un moment, oui. J'étais bénévole et au bout d'un moment, j'étais salarié. Je faisais très bien mon boulot. Tu as dû être très apprécié. Et ça a duré combien de temps, cette expérience? Ça a duré un an. Ouais, pas mal. Oui. C'est parce que après, je suis partie en Erasmus, donc je l'ai coupé un peu court, malheureusement. Et tu étais en même temps aux études à Québec? Oui, c'était bien cela. Parce qu'en fait, moi, je fais des études en relations internationales, droit international. Donc, en fait, ça renvoyait vraiment à l'humanitaire, les actions qui ont lieu. Et vu que j'avais déjà cette approche, je trouvais que c'était beaucoup plus facile pour moi, non seulement d'aborder ces thématiques avec des personnes qui ne connaissaient pas forcément. Mm-hmm. Et le fait que pour moi, c'était un plaisir aussi d'apporter ces connaissances, c'était un gagner-gagner, en fait. Ouais, ok, super. Mm-hmm. Et puis donc, tu es venue ce matin avec une amie qui t'est chère, je pense. Oui, je suis venue. Par rapport à ce projet que tu vas nous décrire. Oui, je suis venue avec Camille aujourd'hui pour un peu vous parler de notre projet. Déjà, ce n'est pas une amie chère, elle a fait tout le temps. Elle me met trop de pression, donc. Vraiment. Non, mais plaisir Mais c'est oui, toujours justement. Mieux, effectivement, à plusieurs de discuter d'un projet. Oui, oui. En fait, on s'est rencontrés précisément lors d'un pitch au PIL. Et le PIL qui veut dire un P, ça s'écrit P2E. P2E, oui. Voilà. Qui est piloté par l'Université Lorraine. L'Université de Lorraine. Donc, c'est un programme pour l'entrepreneuriat en général. Et l'objectif est d'encourager les gens à créer leur entreprise, en fait, à développer leur idée de projet afin de créer une entreprise. Et sur le versant de l'économie sociale et solidaire plutôt, ou pas du tout? Non, tout, il y a tous les domaines. Je prends les exemples, il y a ceux qui font dans l'économie solidaire, il y a ceux qui font la coiffure, la nutrition, l'IA, il y a au pile, il y a tout type de projets, en fait. Cuisine et restauration, il y a vraiment un grand panel de... Et tu as une fonction précise au PIL? Ah non, nous tous, nous sommes étudiants entrepreneurs au PIL. Okay. Et notre objectif, c'est de développer notre idée de projet. D'accord. Amener à, du moins... Maturité. Voilà. Ouais, okay. Donc, rendre mature notre idée de projet. C'est-à-dire, on commence par l'idée de projet, le développement du projet, le business plan, le plan de financement, ainsi de suite. Bon, très beau. Et donc, une rencontre avec Anisha, qui a eu l'idée. Je suis très curieux, parce que je ne sais pas comment ça commence. Quand on est assis sur la même table, et moi, je suis stressée à l'idée de... Je ne suis pas prête, je dois faire 1 minute 30 secondes de pitch. Et elle venait juste voir, juste... Oui. Elle n'était pas inscrite pour le pitch à ce moment-là. D'accord. Elle venait juste voir comment ça se passe, ce que les gens font et tout. Mm-hmm. Et... pendant que moi je stressais, elle me dit non, c'est bon, c'est calme, t'as fait. Ah, moi c'est Anisha, moi c'est Camille, qu'est-ce que tu fais, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on a eu le temps de, ouais, bien sûr, de discuter. Mmh. Et moi j'ai dit dans quoi je fais. Mmh. Et puis, dans la même occasion, elle a dit également, elle aussi, elle vient de s'inscrire, elle vient de commencer, son projet c'est dans ça. Pourquoi ne pas discuter plus tard par rapport à ce projet? Et c'est comme ça que. Bon. Bon, alors, ce projet, Anisha, oui. L'idée de départ. Bah, l'idée du départ, en fait, le projet est né d'un constat. Les jeunes perdent énormément leur chemin et tournent vers tout ce qui est des comportements à risque. Donc, tout ce qui est abus des substances illicites, abus d'alcool, l'isolement, le décrochage scolaire et même ceux qui se font harceler. Et j'avais remarqué que dans le moment, il n'y avait pas de structure qui agissait en prévention, mais plutôt pendant la chose ou quand c'était trop tard. Oui. Okay. Et donc c'est pour ça que bah en fait ça m'a tenu énormément à cœur aussi parce que j'ai connu des personnes à Montréal qui eux n'avaient pas forcément cette possibilité de s'exprimer avec leurs parents parce qu'ils se sentaient un peu bah déjà intimidés par le fait qu'ils sont à l'extérieur ou par le fait qu'ils voulaient pas forcément stresser leurs parents, ils traversaient des moments compliqués mais ils avaient nulle part où s'exprimer. Même d'autres, par exemple, j'ai connu un jeune, il était fort à l'école et malheureusement, il a été influencé par les mauvaises personnes et maintenant, il vit dans la rue. Ouais, ouais. Donc, c'est vraiment des situations, bah, c'est vraiment une situation qui ne s'est pas arrangée durant toutes ces années. Mmh. Et donc, moi, vu que les jeunes, maintenant, ils se retrouvent sur le numérique, je me suis dit, bon, allons cumuler le fait de vouloir aider ces jeunes avec le numérique. Ouais. Donc, commençant par le numérique. Ouais, en commençant par le numérique, L'accroche, c'est par le numérique. Mm-hmm. Mais ensuite, c'est trouver des lieux de parole ou trouver des en présentiel, c'est ça la difficulté. Justement, ensuite. Ouais. Ouais. En fait, ça commence par le numérique et peu à peu, on tend vers un lieu de parole, un centre. Mm-hmm. Bon, elle avait pensé à un foyer, mais je préfère dire centre parce que c'est mieux. Un centre où on peut recevoir, accueillir, discuter, orienter, échanger avec ceux qui ne veulent pas peut-être, par exemple. En parler peut-être avec les familles, les parents, ou bien ceux qui se sentent isolés. On a prévu, du moins on a pensé à ce type de centre en fait. Okay. Et aussi, pour un début, comme elle a dit, par rapport au numérique, on prévoit le faire d'abord anonyme. Maintenant, si la personne veut aller plus loin, si la personne veut s'exprimer davantage, on prévoit donc faire des rencontres, et puis, comme elle a fait dans la médiation, elle vous dira plus. Ouais. Et... oui, le côté confidentiel et anonyme, c'est la bonne idée. Oui. Mais en fait, pourquoi on a pensé au numérique? En fait, le numérique, c'est une application que j'ai pu développer. Et dans cette application, ils ont un journal de bord où ils ont la possibilité de s'exprimer, où ils peuvent partager avec un adulte de confiance, avec un mentor ou garder pour eux-mêmes. Ils ont des parcours personnalisés adaptés à eux. Ils ont des formations pour les aider à se retrouver. Ils ont toutes les ressources. Du fait que je parlais des jeunes qui étaient au Montréal, en fait, j'ai fait une bibliothèque internationale avec tous les numéros de secours possibles. Les numéros d'urgence, c'est-à-dire les numéros de suicide ou... Ouais, SOS. SOS Amitié, comme en France. Donc, en fait, peu importe le pays, il y a les contacts nécessaires dans cette application. Donc, c'est une application qui regroupe tous ces aspects, toutes ces fonctionnalités. Et ils ont aussi la possibilité de parler à un mentor pour ne pas tuer le lien humain. Donc, ça, c'est la partie anonyme. Anonyme et numérique. Anonyme et numérique. Donc, en fait, c'est comme une application de médiation, tout simplement. Et ensuite, effectivement, il va se poser peut-être le problème géographique des gens qui sont... bon, Grand Nancy, au-delà, Meurthe-et-Moselle Sud, Lorraine, je ne sais pas. Après, ça devient plus compliqué dès qu'il faut passer à l'étape suivante. Oui, et c'est en fait pour ça qu'on avait commencé avec le numérique, pour pouvoir toucher le maximum de jeunes, pour par la suite l'appliquer à Nancy. Oui. Et ce qui est bien, on a des membres d'équipe qui ne sont pas forcément sur Nancy. C'est ce que je voulais dire. D'accord. Que l'avantage, c'est qu'on a des membres qui sont à peu près partout. Actuellement, on a des membres déjà jusqu'à La Réunion, à Grenoble, dans plusieurs pays déjà. Et ça, c'est une richesse, en fait. Oui. Et cela permet que, pour un lancement, pour le début, on puisse avoir les différents centres où on peut commenter ou alors rassembler toutes les informations à partir de cette application qu'elle a eu à créer. Okay. Donc, cela permet quand même d'avoir une information ou alors une idée de chaque point qu'on peut avoir des jeunes dans le besoin. Donc, le PIL permet de démarrer l'activité, si on peut dire? Oui, effectivement. Mais en fait, il y a des personnes qui n'ont pas forcément les idées et puis d'autres qui ont déjà leur idée ou déjà commencé leur projet. Mmh. Pour ceux qui n'ont pas forcément une idée, le PIL peut les aider à développer des idées et pour les autres, à mettre en place leurs idées. Okay. Et en fait, comment on a commencé avec ce projet, c'est que j'avais fait une étude de marché, en mode business, étude de marché. Ouais. Et j'ai eu plus d'une centaine de retours en France, en Afrique, en Outre-mer, au Canada aussi. Ouais. Et la plupart des réponses, c'était des réponses positives en disant, il n'y a que des réponses positives en disant, oui, c'est nécessaire, une application comme ça peut beaucoup aider, soit pour moi-même, soit pour ma famille, des membres de ma famille, soit pour mes amis. Parce que la plupart des gens ont déjà vécu ce type de situation ou ont connu quelqu'un dans ce type de situation. Et on a remarqué que ça crée des ruptures, non seulement pour cette personne, mais aussi pour la famille de cette personne et ses amis. Donc, c'est une situation qui touche vraiment à tout le monde. Et c'est pour ça que nous, on veut tout faire pour pouvoir aider. Aider ce public qui est en difficulté avec cette bascule de l'âge aussi, adolescence, préadolescence. Oui, c'est la raison pour laquelle on commence à un âge très jeune. En fait, au départ, on avait prévu commencer à partir de mon projet, on avait prévu commencer à 16 ans. Hein? Mais avec les échanges, les discussions et avec les rencontres qu'on a eues avec d'autres, par exemple, le Grand Nancy Innovation, je peux dire en français, nous a fait comprendre que, par exemple, pour le cas des addictions, c'est pas seulement les 16, 17, 18 ans qui sont dans les addictions, par exemple, commencent dès le bas âge. Et beaucoup plus tôt. Voilà, beaucoup plus tôt. Ce qui fait qu'on a donc pensé à prendre en considération les jeunes à partir de 12 ans. Dans la mesure du possible et dans l'absolu, avec l'accord des parents, on pourrait aller mener à bien ce projet. Effectivement, ça commence. Les jeunes, de plus en plus tôt, peuvent avoir des conduites addictives. Autour du site, par exemple, du PIL, on a eu à observer des jeunes, des enfants qui s'échangeaient. En fait, la police était là tout autour et en posant la question, on nous a fait comprendre qu'il y a un site de dealers dans les environs. Et pourtant, c'est des élèves du primaire pour la plupart et certains sixième, cinquième. Ah oui, non, mais bon, c'est un phénomène de société qui est maintenant bien lisible. Oui. Et alors, effectivement, c'est intéressant, c'est une boîte à outils pour trouver toutes les personnes ressources, les associations ressources, tout ce qui existe déjà, parce qu'il existe déjà pas mal de choses. Comme ce que nous, on veut faire. Mais pas dans la formule. Oui, mais en fait, notre type d'association, ça n'existe pas réellement. En fait, nous, on attaque plusieurs éléments. Mmh. Et d'autres associations, peut-être c'est juste l'harcèlement, ou peut-être c'est juste l'harcèlement ou les addictions. Nous, c'est vraiment le global pour le bien-être. Nous, on s'est vraiment basé sur le bien-être et ça n'existe pas malheureusement. Il n'y a pas vraiment d'assos qui attaque les actions à risque dirigeant au mal-être, en fait. Frontalement. Vraiment. Frontalement, oui. Ouais, okay. Bon, très bien pour cette première partie d'émission. On va essayer de passer un de vos choix musicaux à Camille ou à toi, Anisha. Because there's a chance we're taking in needing our own lives. It seems we need nothing at all. I used to feel I should give away my heart. lacking there. And it showed that we Hello Oxfam sur Fadjet avec le groupe local Oxfam Nancy. Oui, donc Anisha et Camille, on a évoqué dans cette première partie votre projet qui sur la partie numérique. En fait, c'est là que c'est votre approche, votre accroche avec ce public jeune qui, je le rappelle, commence carrément à 12 ans. Hein. Oui. Dans la petite pause à l'instant, on évoquait Nancy et le Grand Nancy a aussi des lieux dédiés. Je pense par exemple à l'atelier des solidarités qui est pas loin d'ici, ou la problématique des jeunes femmes. Elles ont aussi cette maison des femmes qui vient d'ouvrir. Mais vous proposez un outil numérique, une boîte à outils. Vous êtes en fait en appui à des associations existantes. Parfois, la personne, le jeune, est déjà en déshérence ou en souffrance. mais ils ne trouvent pas de lieu. C'est là la pertinence de votre projet, en fait. Oui, c'est bien cela. En plus, on avait fait des recherches et on a su que les jeunes n'aiment pas aller dans les cercles de conversation. En fait, ils ne se sentent pas confortables. Ouais. Donc, c'est pour ça que nous, déjà, on a attaqué le numérique. Mais nous, on a aussi créé une association. Donc, on agit sous statut d'assos. Donc, on est une association également. Ça, c'est obligatoire du point de vue juridique. Oui. Mais le jeune, il a envie de réfléchir, d'être autonome, de savoir où est-ce qu'il sera le mieux accueilli, c'est ça? Oui. D'où l'application. L'application a un grand nombre d'informations, ce qui permet déjà aux jeunes de... C'est-à-dire même simplement en cliquant, ça permet déjà d'avoir une base de données ou alors une information quant à la situation du jeune. Ouais. Je me sens stressé, je me sens anxieux, je me sens en joie, je suis calme. Je ne suis pas en forme, je n'aime pas mes parents. En fait, il y a des éléments où le jeune aura juste à cliquer. Des onglets, des propositions. Et là, ça vous donne une grille de lecture de qui vous avez à faire. Enfin, voilà. Oui, c'est bien cela. En plus, comme dit, on a aussi les ressources. Donc, dépendant de la personne, si le jeune a envie d'aller voir quelqu'un, il a la possibilité d'avoir les contacts nécessaires. On a un système qui permet au jeune de mettre où il vit et quel type d'aide il recherche. Et grâce à ça, il peut aller directement à cette personne en question. Si c'est un psychologue, si c'est l'aide sociale, tout dépend de ce que le jeune recherche. Si c'est juste une personne à qui parler, il peut trouver les informations dédiées sur le site juste en mettant son adresse, tout simplement, et son âge. Et la personne ressource peut l'appeler directement, prendre contact avec lui? C'est le contraire. Oui, parce qu'en fait, c'est l'idée de challenge le jeune et donner la liberté au jeune. Parce que si le jeune reçoit un appel, il peut se sentir obligé ou forcé de le faire. Donc c'est vraiment l'approche, t'es en liberté, tu sais que tu veux le faire, t'as cette ressource pour toi. Si t'es pas prêt, tu peux toujours t'exprimer sur ton journal de bord, parler à ton mentor en mode anonyme, faire les parcours qui existent pour toi. Donc c'est vraiment, le jeune a la possibilité de tout faire. Donc, tu parlais du mentor, il en faut beaucoup? Nous, on a eu la chance d'être liés avec AFEF, donc eux, ils nous aident déjà avec les mentors. Bon, dès qu'on lance l'application, on sera déjà aidé avec leur mentor. Donc ça, c'est déjà une bonne partie. Mais après, on compte faire des recherches d'autres mentors. Et pour devenir mentor, il faut déjà valider des formations. Et on demande de répondre à un formulaire pour des raisons de sécurité et même demande de casier judiciaire. AFEV, qui fait confidentialité aussi. Association pour le public étudiant. Oui, c'est bien ça. En fait, AFEV, ils ont des mentors pour ce public étudiant. Donc, c'est des étudiants mentors qui aident des jeunes en difficulté, mais plutôt scolaires. Ils font de l'aide aux devoirs. L'aide aux devoirs, c'est ça, AFEV. Et donc, comme ça, sur le Grand Nancy, vous portez votre bonne parole à différents lieux précis pour que vous multipliez le nombre de mentors. Oui, c'est bien ça. On peut dire ça comme ça. Et puis donc, vous êtes encouragé par des collectivités qui vous suivent ou... Oui, on est très encouragé par le conseil départemental qui est intéressé par le projet. En plus, grâce à Opil, on a eu des contacts avec le conseil départemental qui nous pousse vers les bonnes personnes et même la CCI qui nous accompagne avec ce projet. La CCI, c'est du commerce, ça. C'est... Oui, mais ils aident avec le développement de projets professionnels ou même associatifs. Bon. Donc c'est vraiment chouette, en fait. Ils ont de bons contacts. Hein. Oui, non, mais ça. Et en lieu dédié, mais vous n'êtes pas pressé d'avoir un lieu dédié pour accueillir des gens, hein, des groupes de parole ou... C'est pas une urgence, mais ce sera nécessaire avec le temps. C'est pas une urgence, en fait. Mais avec le temps, ce sera nécessaire puisque déjà, on a commencé à avoir des jeunes qui s'intéressent. Ils aimeraient discuter avec des personnes qu'ils ne connaissent pas, ça c'est sûr. Oui, et donc les parents. Oui, voilà, c'est pour ça. On en aura besoin effectivement, mais ce n'est pas l'urgence actuellement. Notre urgence, c'est celui-là, la communication, la sensibilisation, les mentors qu'on doit avoir, les ambassadeurs, les bénévoles. Bon, et... suivez mon regard. Bon. Et on a quand même un partenariat aussi avec Unis et Solidaires. On a commencé avec les Restos du Cœur, on a la FEF, comme elle a dit, et on va continuer avec d'autres associations avec qui nous pourrons travailler en partenariat pour un début. À Vendeuvre aussi, on évoquait oui, ça tout à l'heure. Oui, c'est l'Union Solidaire à Vendeuvre. L'Union Solidaire, ok. Et plus tard, en fonction du local qu'on pourrait avoir, d'ici à moyen terme, il faudra, comme on a comme idée de mettre en place un comité d'éthique composé de certain nombre de personnes, un psychologue, un médiateur, un médecin et d'autres personnes qui pourront contribuer à améliorer l'estime de soi en fait de chaque jeune. Oui, c'est ça surtout. Mmh. Oui. Parce que toi, Kwami, tu as des compétences en, tu disais, en sophrologie. Ah oui, justement, j'ai fait une formation dans ça et mon souci, tout le monde dit, ma première idée en fait, c'était de faire de l'accompagnement auprès des jeunes. Mmh. Et du coup, comme j'ai été formée dans ce domaine, ça permet en fait de mieux comprendre de jeunes, de savoir dans quelle position est-ce qu'on peut se situer. Et aussi, si on a le local, en dehors du fait que ce soit en ligne actuellement, mais si on a le local, on peut faire les exercices, les activités de groupe de relaxation, de tout ce qui concerne l'état émotionnel de chaque jeune, en fait. D'accord. Eh ben moi, j'ai peut-être une nouvelle à vous annoncer, parce que la fonction, le mentor, hein, ça me... Pourquoi pas, on peut en reparler. Génial. On a déjà eu 9 mois, enfin, que 20 ans. Et bon, il faudra me former quand même un petit peu. Hein. T'inquiète, il y a des formations dédiées. Bon. L'objectif du mentor dans ces cas, c'est d'abord le mentor d'être discret, parce qu'il faut s'assurer la sécurité du jeune et tout. Oui. Ce qui fait qu'il est censé juste être là pour écouter. Et s'il faut poser des questions, c'est si le jeune le veut. Parce que, comme elle a dit, il faut laisser la liberté au jeune de pouvoir s'exprimer. Est-ce qu'il veut parler, qu'il parle? Est-ce qu'il n'a pas envie de parler? Est-ce qu'il n'est pas prêt, ainsi de suite? Donc, le mentor doit s'assurer en fait de tout cela. Et en fonction de ça, on passe à l'étape suivante. Bon, pour clôturer, vu qu'on n'est pas très loin de la date importante pour Oxfam France, c'est le Trail Walker qui aura lieu à Nancy 30-31 mai. Et figurez-vous que dans les 6 derniers mois écoulés, là, en discutant aussi avec une autre personne du groupe local, j'ai appris qu'il y a il existe une thérapie en marchant. Et ça, je trouve ça très intéressant. J'aurais même envie de faire des réunions du groupe local en marchant. C'est sympa, hein. Mais on part en balade et on emmène le pique-nique et on discute. Ça pourrait. Mais bon, blague à part. Mais plus sérieusement, cette personne m'a dit qu'effectivement, il y a un thérapeute à Nancy que je vais finir par le trouver. Qui fait ses séances en marchant, quoi. Et ça, je trouve, c'est très intéressant à aller voir de plus près comment il pratique. Ouais, c'est une nouvelle approche. Et emmener un ou deux jeunes et discuter en marchant. Parce que marcher, on est dans l'action. On a les contacts avec la terre, le sol. Et on respire. Et ça peut libérer la parole de manière différente. Je trouve ça un biais très intéressant. Ajouter à ça la nature, oui, ça peut être intéressant. Oui. Voilà, petite idée pour, en plus, le bonus du... Oui, ça c'est... Non, franchement, c'est une très Merci bonne idée. Merci pour l'idée. Je ne sais pas, à suivre, parce que c'est que le début entre nous. On a envie de discuter un peu plus loin. Au-delà de cette chaire radio, une fois par mois, où vous êtes invité à revenir... au fur et à mesure. Merci beaucoup. Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jean-Paul, c'est l'un des meilleurs membres parmi nous, parce qu'il nous donne déjà des idées. Donc, un bon mentor. Oui, c'est un bon mentor. Il y a un autre mentor, c'est très intéressant avec les idées. Non, mais ça, c'est parce que Oxfam, je me suis formé chez Oxfam, et ça fait depuis 20 ans hein, quand même. Et je trouve qu'à chaque fois, il faut aller chercher dans les détails, faut aller creuser, faut changer les regards aussi, changer les habitudes. Oui, c'est vrai. À suivre, à très bientôt. Et deuxième choix musical d'Anisha. I heard that you settled down, that you found a girl and you're married now. Your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide.